Chapitre 38e. Parmi les questions qu'on se pose dans un examen de conscience, il n'en est pas de plus grave que celle qui tient dans ces trois mots. Que faire maintenant ? Ce fut cette question que le colonel se posa en revenant chez lui, mais sans trouver une réponse, c'est-à-dire un but. C'était la première fois qu'il se trouvait réellement livré à une complète incertitude, sans que rien en lui le fît pencher d'un côté ou d'un autre, sans qu'aucun désir s'éveillât à son appel, sans qu'aucun ressort résistât sous sa main. Ses années de jeunesse avaient été remplies par la guerre avec ses angoisses ou ses enthousiasmes, et les jours avaient succédé aux jours, sans qu'il eût jamais une minute pour se demander ce qu'il ferait le lendemain. Après la mort de son père, il avait trouvé des affaires considérables à arranger, qui avaient pris tout son temps et largement occupé son esprit. Puis il était venu à Paris, mais avec un but précis et déterminé, celui de voir s'il pourrait accomplir la dernière volonté de son père et prendre pour femme sa cousine Thérèse. Il y avait là une curiosité, un intérêt, quelque chose de vivant qui ne laissait place ni à l'indifférence ni à l'ennui. Amant de Madame de Lucilière, il avait été emporté dans un tourbillon. Ce n'est pas quand les heures et les journées du temps présent sont trop courtes qu'on s'inquiète du lendemain et qu'on prend souci de son vide. Savent-ils d'ailleurs ce que serait ce lendemain ? S'il serait vide ou rempli, puisqu'il dépendait du caprice de sa maîtresse. Ce qu'il ferait, il n'en savait rien, mais qu'importait, quoi qu'elle voulût, quoi qu'elle lui fît faire, il serait heureux. Cette liaison brisée, il n'était point tombé dans le vide. Il vivait, il se sentait vivre, puisqu'il se sentait souffrir. Et puis d'ailleurs, tout n'était pas fini du côté de Thérèse. Elle n'était point engagée d'une façon formelle et irrémédiable avec un autre. Qui pouvait savoir ce qui se passerait plus tard, et ce mot seul, plus tard, était une aurore qui s'en trouverait sur l'avenir. Mais après sa rupture avec Carmelita, il n'y avait pas de plus tard, pas d'aurore, pas d'avenir, pas de lendemain. Il n'était pas plongé dans la douleur, car n'ayant pas désiré ce mariage, l'ayant subi et non cherché, il n'éprouvait aucun chagrin à le voir se rompre. Un sentiment de mépris et de honte avait rempli son cœur, voilà tout. Mais si l'on vit par la douleur, on ne vit pas par le mépris quand il ne s'élève pas jusqu'à la haine. Et il ne haïssait pas Carmelita. La pauvre fille, il l'aurait volontiers plutôt plainte. Qu'avait-elle été ? Un instrument, entre des mains habiles. Ce qu'elle avait fait, on lui avait dit de le faire, et plus ou moins docilement, plus ou moins passivement, elle avait obéi. Ainsi, de quelque côté qu'il se retourna, il ne trouvait plus rien maintenant qui pût le retenir, l'attirer ou même simplement l'occuper. La fortune, quel plaisir éprouverait-il à ajouter quelques millions à ceux qu'il possédait ? Il n'était déjà que trop riche. L'ambition, quelle ambition lui était permise ? Il n'était propre qu'au métier de soldat, et il n'y avait plus de soldats dans son pays. Les deux seuls commandements que conserve la République étaient remplis et bien remplis. Il n'était ni Sherman ni Sheridan. L'amour ? Il venait de tenter une double épreuve, et l'une aussi bien que l'autre l'avait laissé briser, et ce qui est autrement grave, découragé, écœuré. Autour de lui, il ne voyait qu'une femme qui eût pu le relever, et précisément cette femme ne pouvait être la sienne. Il l'avait perdue, par sa propre faute, parce qu'il avait bien voulu la perdre. Comment prendre la vie ? Par le côté sérieux ou par le côté plaisant ? À 30 ans. Devait-il, pouvait-il entrer délibérément dans l'hiver ? Des questions de ce genre ne se résolvent point par cela qu'on veut les résoudre. On les tourne, on les retourne, on les agite sans cesse. Et plus on les creuse, plus leur solution apparaît difficile et même impossible. Que faire demain ? Toujours la réponse est la même, rien. Et l'on se laisse vivre, enveloppé, momifié, dans les banalités de la vie courante. Ce fut cette existence qu'il accepta, ou plus justement, qu'il se laissa imposer, n'ayant ni le désir ni la force d'en choisir une autre. Sans doute il aurait pu voyager, mais où aller, puisque précisément l'Allemagne lui était interdite, et que c'était en Allemagne seulement qu'il désirait aller. Voyager pour changer de place et dévorer l'espace ne lui disait absolument rien. Par là il n'était pas américain. Et il ne ressentait pas cette fièvre de locomotion qui pousse tant de ses compatriotes en avant, sans leur donner le temps de rien voir. Il ne comprenait le voyage qu'avec l'étude des pays qu'on visite, avec l'histoire, les monuments, les tableaux, les objets d'art. Il se trouvait dans des dispositions où il lui était impossible d'ouvrir un livre. Alors, que ferait-il en voyage? La mélancolie des soirées dans les pays inconnus l'effrayait. Autant rester à Paris. Où pouvait-il être mieux pour s'étourdir? La plupart de ceux avec qui il était en relation se trouvaient dans des conditions qui, jusqu'à un certain point, ressemblaient aux siennes. Combien n'avaient pas plus de volonté, plus de ressort, plus d'initiative que lui, et cependant, ils acceptaient la vie, se laissant porter par elle. Ils feraient comme eux. À côté de ceux qui jouent un rôle actif dans la comédie humaine, il y a les simples spectateurs, ils seraient de ceux-là. Et justement, les pièces qu'on jouait en ce moment sur le théâtre du monde ne manquaient pas d'un certain intérêt. Peut-être n'étaient-elles pas d'un genre très élevé, elles se rapprochaient-elles trop de la féerie et de l'opérette, mais telles qu'elles étaient, elles pouvaient amuser les yeux. Jamais Paris n'avait été plus brillant, plus bruyant. Il ressemblait à ces apothéoses qui terminent les pièces à spectacle avec flammes de Bengale, lumière électrique et galop final. Qui pensait au lendemain? On se ruait au plaisir, on jouissait de leur présente, comme si on avait le pressentiment que demain n'existerait pas. Il est vrai que, de temps en temps, éclatait dans cette musique dansante une note triste. On entendait un roulement sur des tambours drapés de noir. On parlait de grève d'ouvriers, qui s'était terminée par des coups de fusil. Il y avait de nombreuses arrestations politiques, des procès, des condamnations. On rapportait des paroles révolutionnaires prononcées dans des réunions publiques. Après 19 années de sommeil, il y avait des gens qui se réveillaient et qui essayaient de construire des barricades. On prononçait de nouveau avec un certain effarement les noms des faubourgs du Temple et de Belleville. En s'entretenant avec leurs riches clients, les armuriers disaient qu'ils n'osaient pas avoir de grandes provisions d'armes chez eux, de peur d'être pillés. Mais il n'y avait pas là de quoi s'inquiéter sérieusement. La France était tranquille, le gouvernement était fort. Au contraire, la note grave, se mêlant quelquefois à la note joyeuse, mais sans étouffer celle-ci, cela avait du piquant. Quoi de plus curieux que d'assister pendant la journée à l'enterrement de Victor Noir, la plus grande manifestation populaire des 20 dernières années, et le soir à la représentation du Plus heureux des Trois, la comédie la plus gaie du répertoire du Palais Royal? Profondément saisissante, la face pâle et convulsée de Rochefort, mais d'un autre côté, bien drôle, la physionomie de Geoffroy, le mari trompé, caressé et content. On se plaisait au contraste, et les fêtes dans lesquelles les femmes du plus grand monde n'étaient reçues que déguisées en grisettes obtenaient le plus vif succès. C'était admirable. On s'extasiait, sans se demander si des fêtes dans lesquelles les grisettes n'auraient été reçues que déguisées en femmes du monde n'aurait pas été presque aussi réussi. Le colonel accepta cette vie et se laissa engourdir dans sa monotonie, prenant les jours comme ils venaient et s'en remettant au hasard pour le distraire ou l'ennuyer. Il prit la tête du tout Paris, fut de toutes les fêtes, de toutes les réunions. On le vit partout, et les journaux à information parlèrent de lui si souvent qu'on aurait pu, dans leurs imprimeries, garder son nom tout composé. On citait ses mots. Et lorsqu'on avait besoin d'un nom retentissant pour lui faire endosser une histoire, on prenait le sien, comme 30 ans plus tôt, on avait pris celui de Lord Seymour. Cependant, si cette vie usait son temps, elle n'occupait ni son cœur ni son esprit. Il en était de lui comme de ces rois de féerie, qui, après la phrase traditionnelle « et maintenant que la fête commence », assistent à cette fête avec un visage d'enterrement. Partout il portait une indifférence que le jeu lui-même, avec ses alternatives de perte et de gain, ne parvenait pas à secouer, et c'était avec le même calme qu'il gagnait ou qu'il perdait des sommes considérables. « Quel estomac » disait-on. Et l'on se pressait autour de lui pour le voir jouer. Mais ce qui faisait l'admiration de la galerie faisait son désespoir. Ne prendrait-il donc plus jamais intérêt à rien? Un seul mot, un seul nom plutôt, avait le pouvoir d'accélérer les battements de son cœur, celui de Thérèse. Mais le reverrait-il jamais maintenant? Après sa première visite à Michel, ne recevant de nouvelles ni d'Antoine, ni de Soriol, ni de Michel, ni de Denisot, il était retourné rue de Charonne. Mais il avait trouvé la porte close, et en mettant son oreille à la serrure, il n'avait entendu aucun bruit dans cet atelier où autrefois les chants se mêlaient aux coups de marteau. Le concierge qui l'avait interrogé en redescendant lui avait donné les raisons de ce silence. Dionysos s'était fait prendre derrière la barricade du faubourg du temple et Michel avait été arrêté le lendemain à l'atelier. Quant à Soriol, il n'avait plus reparu et on ignorait ce qu'il était devenu. Il n'était point arrivé de lettre, portant le timbre d'un pays étranger, à l'adresse de Michel ou de Soriol, et le concierge commençait à être inquiet pour le paiement de son terme. En apprenant cette double arrestation, le colonel avait voulu savoir s'il ne pouvait pas être utile à Dionysos et à Michel, mais on lui avait répondu qu'ils étaient au secret, à Maza, et que pour communiquer avec eux, il fallait attendre que l'instruction fût terminée. À qui s'adresser pour avoir des nouvelles de Thérèse? Comment Antoine ne lui écrivait-il point? Que se passait-il donc de mystérieux? Il pensa à interroger le baron Lazarus, car dans la lettre qu'il avait lue, il y avait un nom qui pouvait servir d'indice pour découvrir la ville où Antoine s'était réfugié. C'était le titre du journal dans lequel Antoine écrivait. Il alla trouver le baron rue du Colisée, ce qu'il n'avait pas voulu faire depuis la scène dont il avait été témoin, résistant quand même à toutes les instances dont il avait été accablé. Invitation à dîner, demande de service et autres prétextes, plus ou moins habilement mis en avant. Quel rôle le baron avait joué dans cette scène? C'était ce qu'il ignorait, et même il ne lui convenait pas d'examiner de près cette question, répugnant à revenir sur ce qui s'était passé alors et à réveiller des souvenirs qui le gênaient et l'humiliaient. Mais en cette circonstance, il fit taire ce sentiment de répugnance, et comme de toutes les personnes qu'il connaissait à Paris, le baron Lazarus était celle qui pouvait le mieux le renseigner sur ce qu'il désirait apprendre, il n'hésita pas à s'adresser à lui. Lorsqu'on l'annonça au baron, celui-ci ne put retenir un soupir de soulagement. Enfin, tout n'est pas perdu. Car il ne gardait bien plus qu'une faible espérance de revoir le colonel rue du Colisée. Quelqu'un avait parlé sans doute, la marquise de Lucilière probablement, et le colonel savait comment avait été préparée et amenée la rencontre de Bayeux et de Carmelita. De là à deviner l'intérêt qui avait cherché cette rencontre, il n'y avait qu'un pas qui avait dû être facilement franchi. Et c'était ce qui expliquait pourquoi le colonel avait obstinément refusé toutes les invitations, repoussé toutes les avances, toutes les prévenances, toutes les flatteries qui lui avaient été adressées. Vivement, le baron se leva de sa chaise pour courir au-devant de lui, les deux mains ouvertes. « Ce cher ami !» Une joie pleine d'effusion. « Savez-vous, dit le baron, que je désespérais presque de vous revoir ici. Vous aviez refusé mes invitations avec une telle persévérance que je vous croyais fâché. » Le colonel essaya de sourire pour cacher son embarras. « Je me disais, continua le baron, ce brave colonel est gêné avec moi. Il voit en moi un témoin de cette terrible découverte, et voilà pourquoi il veut rompre nos relations. Je souffrais beaucoup de cette pensée, car j'ai pour vous une affection dont vous ne doutez pas, je l'espère. Cependant, je ne pouvais pas vous en vouloir, car le sentiment que je vous prêtais, je l'aurais peut-être éprouvé moi-même. Heureusement, je me trompais, puisque vous voilà. Soyez le bienvenu, mon cher ami. » Le baron, par un geste qui lui était familier, mit sa large main sur son cœur et à deux reprises, il répéta ces trois mots. « Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. » Devant un pareil accueil, le colonel n'osa pas avouer tout de suite la raison vraie qui l'amenait rue du Colisée. Il causa de choses insignifiantes et quand le baron lui demanda s'il ne voulait pas, avant de se retirer, faire une visite de quelques minutes à sa chère Ida, il ne put pas refuser. Il fit donc cette visite, qui ne fut pas de quelques minutes, comme l'avait proposé le baron, mais de près d'une heure, car chaque fois qu'il voulut se lever, le baron ou Ida abordèrent un nouveau sujet qui l'obligeait à rester. Ce fut seulement quand le baron le reconduisit à la porte de sortie qu'il put aborder le sujet qu'il avait amené. « À propos, connaissez-vous un journal allemand portant pour titre le Volkstadt ?» Le baron ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisant, il la referma aussitôt et parut chercher. « le Volkstadt, dit-il. « C'est, je crois, un journal ouvrier, fait par les ouvriers pour les ouvriers. Ah, très bien, vous me mettez sur la voie. Je crois en effet avoir vu le nom de ce journal quelquefois. Où donc paraît-il ? Je n'en sais rien et c'est ce que je vous demande. » « Cela vous intéresse beaucoup, mais oui, assez. Combien je suis fâché de ne pouvoir pas vous répondre d'une manière satisfaisante. » Il me semble cependant qu'il doit paraître en Saxe. Vous me dites, n'est-ce pas, que vous tenez beaucoup à voir ce renseignement ? Oui, j'y tiens. Eh bien, il y a un moyen très simple pour l'avoir, c'est que j'écrive à mes correspondants de Dresde et de Leipzig. C'est aujourd'hui lundi, j'écris ce soir, je reçois les réponses vendredi, et vous venez dîner avec nous samedi, certain d'avoir vos renseignements. Comme le colonel répondait par un refus aussi poli que possible. « Me suis-je trompé ? » dit le baron. « Êtes-vous réellement fâché contre moi ? » ?»« Mais comment pouvez-vous penser ? » ?»« Non, vous n'êtes pas fâché. Alors vous venez dîner, c'est chose convenue. Ou bien si vous refusez, je n'écris pas. Faut-il écrire ? Écrivez, je vous prie. Alors à samedi, en tout petit comité, deux amis seulement et nous. » Ceux que le baron appelait ses amis étaient, à proprement parler, des compères, dont le rôle consistait à rendre le dîner attrayant. L'un, homme d'esprit et du meilleur, l'autre, gourmet célèbre. Tous deux, allant en ville et jouant chaque soir admirablement leur rôle, sans jamais un moment de lassitude, celui-ci mettant les convives en belle humeur et celui-là les mettant en appétit. Avec ceux-là, depuis longtemps insensibles aux séductions féminines et par là incapables de provoquer la jalousie. Dès que le colonel arriva, le baron le prit dans un coin pour lui communiquer les renseignements qu'il venait de recevoir. Il ne s'était pas trompé. C'était bien en Saxe que paraissait le Volksstaat à Leipzig. C'était un journal socialiste qui, fondé depuis peu de temps, exerçait une grande influence dans les classes laborieuses, sur les ouvriers des villes, aussi bien que sur ceux des campagnes. En quelques mois, il avait fait le plus grand mal. Mais le gouvernement averti s'était décidé à le poursuivre à outrance. Son rédacteur en chef venait d'être emprisonné, et des étrangers qui collaboraient à sa rédaction étaient en fuite. On les recherchait pour les arrêter. On était décidé à en finir avec ces misérables socialistes qui menaçaient de corrompre tout le pays. Le colonel se déclara satisfait par ces renseignements, mais en réalité il l'était aussi peu que possible, désolé au contraire et tourmenté. Parmi ces étrangers qu'on disait en fuite se trouvait Antoine, sans aucun doute. Où s'était-il réfugié ? Comment le savoir ? Comment avoir des nouvelles de Thérèse ? Condamné en France, par défaut, à 5 années d'emprisonnement, poursuivi en Allemagne, dans quel pays Antoine allait-il se retirer ? Comment trouverait-il à travailler ? N'était-ce pas une vie de misère qui commençait pour lui et pour Thérèse ? Pas d'asile, pas de pain peut-être, et avec cela, impossibilité de la chercher sous peine d'aider la police à les trouver. Ses préoccupations nuisirent au dîner du baron. Et le colonel ne fut pas aussi sensible qu'il l'aurait été dans d'autres circonstances à l'esprit de l'homme d'esprit et à la gourmandise du gourmet. Cependant, le baron l'ayant interrogé plusieurs fois sur sa santé, et Ida lui ayant demandé en souriant dans quel pays il voyageait présentement, il voulut réagir contre sa maussaderie. Puisqu'il avait accepté ce dîner, il devait y apporter une figure et des manières convenables. Évidemment, sa tenue était grossière et ridicule. Il réfléchirait plus tard. Placé près d'Ida, il se tourna vers elle et tâcha de la convaincre qu'il ne voyageait pas pour le monde dans des pays chimériques, mais qu'il savait où et près de qui il était. De là s'ensuivit une conversation animée qui chassa les préoccupations sérieuses et tristes que le baron avait fait naître. D'ailleurs, il avait toujours éprouvé une assez vive sympathie pour cette jeune fille qui ressemblait si peu à celle qu'il voyait chaque jour. Sa beauté lui plaisait. Il avait toujours pris plaisir à regarder ses beaux cheveux blonds et ses yeux candides. Il y avait en elle un singulier mélange de sentiments poétiques et pratiques, se heurtant à chaque pas, et finissant cependant par s'amalgamer quand même, qui l'avait toujours intéressé. Elle savait tout, science, histoire, poésie, musique. Et il était vraiment curieux de comparer aux élèves des couvents parisiens, qui ne parlaient guère que de la dernière opérette ou du dernier sermon à la mode, cette jeune fille qui jugeait les religions au point de vue de la science et de la raison pure, et dans la bibliothèque de laquelle, à côté de la dogmatique chrétienne dans son développement historique et dans sa lutte avec la société moderne du docteur F. R. Strauss, on trouvait les lettres physiologiques de Karl Vogt.